L'imam Bukhari, il mentionna le hadith d'Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous voulant approcher sa femme, qu'il dise, Bismillah, Seigneur, préserve-nous de Satan et préserve-en l'enfant que tu nous accordes. Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Donc s'il fait ce dua, il dit, si Allah décide de leur accorder un enfant, suite à cette copulation, Satan n'a aucun pouvoir sur cet enfant. Donc quel est le rapport entre le hadith et le sujet qu'on étudie? L'imam Al-Aini, l'un des grands savants, il a mentionné ce hadith pour montrer que si la tasmiya et le zikr, le fait d'invoquer Allah, le fait de dire Bismillah, sont recommandés avant la copulation. Et on sait que dans la copulation, c'est une situation où on est loin de faire le zikr, où on est loin d'invoquer Allah. Donc il dit que si le fait de dire Bismillah et d'invoquer Allah avant la copulation, avant le rapport sexuel, donc à plus forte raison, il est recommandé de faire la tasmiya avant les ablutions et le rossi, et le lavage du corps. Et c'est pour ça que l'imam Bukhari, il a mis ça sous le chapitre de la purification, pour goûter un peu du savoir des grands savants. Pour sortir de ce grand différent, on ne peut pas trancher, on n'est pas à la hauteur des grands. Est-ce que c'est obligatoire? Cheikh Albani, il dit que c'est obligatoire, voire même dans le livre de l'Ouajiz de Abd al-Azim Ibn Badawi al-Khalafi, il a dit que la tasmiya est considérée comme une condition pour les ablutions. Il a mis ça dans sa page 32 et il a marqué à la marge du livre l'Ouajiz que le hadith de Abu Huraira, le hadith, notre hadith, hadith numéro 43, est assez bon, Hassan. Il est qualifié ainsi par Cheikh Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Ibn Baz, l'Uthaymin, il voit que c'est souhaitable. D'accord? À vous de choisir. Mais il vaut mieux le dire pour éviter, pour sortir de ce différent entre les savants. Il vaut mieux le dire. D'accord? Et si on a oublié au début de dire Bismillah, on le dit au milieu. D'accord? Il y a une question qui se pose aussi. C'est si la personne il est dans les toilettes où il y a beaucoup qui vivent dans des studios où le robinet se trouve dans les toilettes. Comment ils vont faire? Ibn Taymiyyah, dans l'Ikhtiyarat al-Fiqhiyah, il rapporte qu'on a interrogé l'imam Ahmed à propos de la personne qui fait les ablutions au même endroit où il a fait ses besoins. Est-ce qu'il dit Bismillah ou il ne dit pas Bismillah? Et l'imam Ahmed, il a dit, cette personne dit Bismillah à basse voix, à voix qui n'est pas audible, ou il le dit intérieurement. D'accord? Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit chose semblable dans l'explication de Bulugh al-Maram. Il le dit dans son nafs. D'accord? Maintenant, on rentre dans le hadith 47. حديث نمبر 47 عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود بسند ضعيف. On rapporte d'Abi Huraira رضي الله تعالى عنه. On rapporte de Talha ibn Musarrif selon son père, selon son grand-père, qui disait: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la séparation entre le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau. Donc, faire la séparation, yafsil, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il fait la madmada et trois fois, une à trois fois, et après, il prend l'eau pour faire l'istinshaq. D'accord? Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Sous le chapitre la séparation entre la madmada et l'istinshaq. Il est également rapporté par l'imam Tabarani, selon Talha, selon son père, selon son grand-père. Et son grand-père, c'est Ka'b ibn Amr al-Yami. Ka'b ibn Amr al-Yami, ce nom, il est mentionné chez Abu Daoud. Il n'est pas mentionné chez Abu Daoud. Ka'b. Le hadith de Talha, il est très défectueux. Il y a des défections dans ce hadith. C'est que dans la chaîne des rapporteurs, il y a Layth ibn Abi Sulayl. Et Ibn Hibban a dit qu'il n'est pas pris en considération par l'imam Ahmed, par Ibn Ma'in, par Ibn Mahdi et par Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Et certains savants ont dit qu'il ne connaissait pas Talha ibn Musarrif. Donc, comme Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, on lui pose la question, on lui donne ce isnad, selon Talha ibn Musarrif, selon son père, selon son grand-père, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, je ne sais pas cet isnad-là, cette chaîne de rapporteurs, ces gens-là, je ne les connais pas. Donc, il est très défectueux, ce hadith-là. Il y a plusieurs défections. Et c'est pour cela qu'Ibn Hajar l'a qualifié de faible. Il l'a mentionné dans Bulugh al-Maram. Il a dit, ce hadith est faible. Dans Bulugh al-Maram et aussi dans un autre livre qui s'appelle Talkhis al-Habir. De même, Imam Nawawi l'a qualifié de faible et d'autres. Et en plus, ce texte-là contredit les hadiths authentiques. Il contredit les hadiths authentiques qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rinçait la bouche et reniflait l'eau du creux d'une même main et en même temps, et il ne faisait pas de séparation. Il ne faisait pas de séparation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau dans le creux d'une même main, il fait le madmada et l'istinshaq. Et les hadiths authentiques, on va en parler, c'est les hadiths qui vont suivre, le hadith 48 et le hadith 49. Le hadith de Ali radiyallahu anhu, on va en parler, et le hadith de Abdullah ibn Zayd, qui est dans le Bukhari, hadith ibn Abbas, qui est dans le Bukhari aussi, et le hadith d'Ibn Abbas, qui est dans Sunan al-Darimi, avec un bon isnad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit yajma'u. Ibn Abbas, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit entre la madmada et l'istinshaq. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a dit qu'il n'y a aucun hadith authentique qui prouve qu'on peut séparer entre le madmada, le rinçage de la bouche, et l'istinshaq, et le fait d'aspirer l'eau du nez. Et le jumhur des savants, la foule des savants, ils disent que la sunna, c'est de faire la madmada et l'istinshaq en même temps à partir d'une seule main. Maintenant, est-ce qu'il est obligatoire de réunir les deux opérations, madmada et l'istinshaq, ou c'est juste une sunna? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable. Le hadith authentique qui prouve que le prophète sallam a réuni entre le madmada et l'istinshaq, c'est hadith de Ali radiyallahu ta'ala an Ali radiyallahu ta'ala anhu fi sifat al wudu thumma tamadmada sallallahu alayhi wa sallam wastansara thalathan yumadmidu wa yansiru min al kaff alladhi ya'khudhu minhu al ma'. Hadith akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i. Concernant la façon d'accomplir les ablutions, Ali radiyallahu anhu a dit: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rinça et expira trois fois. Il rinçait sa bouche et en même temps reniflait l'eau du creux de la même main. Aspirait l'eau de son nez du creux de la même main. Et le hadith authentique numéro 49. An Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala an fi sifati al-wudu' thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalathan. Et hadith hada muttafaqun alayhi, il est unanimement accordé, rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim selon Abdullah ibn Zayd. Concernant la façon de faire les ablutions, Abdullah ibn Zayd a dit: puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam introduisit sa main dans le récipient, puis se rinça la bouche et aspira l'eau de son nez, l'eau dans le creux d'une seule main, et il refit ça trois fois. Donc ça, les hadiths authentiques prouvent qu'il faut faire le madmada et l'istinshaq à partir d'une seule main. Maintenant, on rentre dans le hadith numéro 50. حديث نمبر 50 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. سلو أنس بن مالك للبروفيس صلى الله عليه وسلم أفي أنهم كي أبرز أبوار في سيزابلسيون أفي لسي sur son pied un endroit de la taille d'un ongle non touché par l'eau, non mouillé. Et il lui dit, retourne par terre tes ablutions. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i. Il est également rapporté par Ibn Majah, par l'imam Ahmed, et par Ibn Khuzaym al-Bayhaqi Abu Awana, et par Diya al-Maqdisi. Et sa chaîne de rapporteur est sahih, elle est authentique. الألباني رحمه الله دون إرواء الغليل حديث سن إسناد إتوتنت سحديث est une preuve dans quoi سحديث est une preuve que la continuité est obligatoire d'accord sauf en cas de force majeure mais si quelqu'un émet l'objection suivante il nous dit écoutez on pourrait aussi comprendre de ce hadith-là que le prophète sallam a voulu dire à cette personne quand il lui a dit retourne par faire tes ablutions par retourne et couvre l'endroit non mouillé par l'eau lave cet endroit qui n'est pas mouillé juste corrige tes ablutions ahsin irja fa ahsin wudu'ak ahsin wudu'ak ça veut dire juste laver l'endroit qui n'a pas été touché. On a pas, il peut émettre cette objection et dire cette personne n'a pas refait ses ablutions. La réponse, c'est que non. Cette objection est à rejeter car ce hadith a des témoins qui prouvent que le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que cette personne retourne et refait ses ablutions du début jusqu'à la fin. D'accord. Comme le hadith de Jabir an Omar, selon Jabir, selon Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait laissé sur son pied un endroit de la taille d'un dirham ou de la taille d'un ongle, non touché par l'eau et lui dit retourne par faire tes ablutions. Et la personne retourna et refit carrément et refit les ablutions puis pria. Ça veut dire, il refait les ablutions du début jusqu'à la fin. C'est un hadith rapporté par un muslim, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Abi Hatim dans l'Ilal. D'accord? Donc cette personne, quand il est retourné, il a compris que le prophète lui a dit il faut refaire les ablutions du début jusqu'à la fin. Qui est cette personne? Quand Omar il dit une personne, le prophète a vu sur le pied d'une personne un endroit de la taille d'un ongle non mouillé, non touché par l'eau. Qui est cette personne? C'était Omar ibn al-Khattab lui-même. Mais il n'a pas voulu mentionner son nom. Il y a beaucoup de hadiths de ce genre quand le compagnon dit une personne a fait ce genre alors qu'il parle de lui-même. D'accord? Et donc c'est ce qu'on appelle l'ibham dans le hadith. Puisque le but ce n'était pas qu'il voit Omar spécialement, le but c'était la leçon à tirer de ce hadith, de faire bénéficier les autres compagnons, les autres frères de la leçon de ce hadith-là. Autre témoin, c'est le hadith de Khalid ibn Ma'dan radiyallahu ta'ala anhu, selon une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'envoyé d'Allah a vu sur le pied d'un homme un endroit de la taille d'une pièce d'un dirham non touché par l'eau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de refaire les ablutions. Il lui demanda, non pas de parfaire, lui demanda de refaire carrément ses ablutions. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed al-Bayhaqi et qualifié d'authentique par Abu Dawud, Ahmed al-Hakim, Ibn al-Qayyim et également par l'Albani dans son fameux livre, l'Irwa al-Ghalil. Donc, on déduit de ce hadith qu'il faut couvrir déjà tout l'organe. Il faut vraiment couvrir avec soin, laver tout l'organe. Et deuxième chose, c'est que c'est obligatoire d'observer la continuité. Il ne faut pas interrompre les ablutions. حديث numéro 51 وعنه يعني عن أنس عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه. On rapporte de Anas, le prophète صلى الله عليه وسلم faisait ses ablutions avec une quantité d'eau égale au mud et il faisait le ghusl avec une quantité d'eau égale à un sa'a. Sa'a c'est 4 mud jusqu'à d'une quantité égale à un sa'a jusqu'à 5 mud. Donc il faisait ses ablutions avec un mud. Mud c'est deux mains d'un nombre de taille moyen, deux mains jointes. D'accord? Donc un mot suffit au professeur Salam pour faire ses ablutions. Et on a parlé de ça. On a dit que le minimum la quantité minimum dont fait le professeur Salam les ablutions, c'est c'était deux tiers du mot, deux tiers d'un mot. Et il faisait le rosl et il se lavait de la naba avec quatre mots. Ça veut dire un sa'a, quatre fois comme ça de l'eau, voire cinq. Et ça, on peut en déduire que, bon, la chose, bien sûr, elle est approximative. On peut en déduire que le musulman ne doit pas gaspiller beaucoup d'eau quand il fait ses ablutions et quand il fait le rosl. Et dans toute chose, il ne doit pas gaspiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une leçon d'économie dans ce hadith. Hadith numéro 52 maintenant. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد الترمذي زاد اللهم اجعلني من الثوابين واجعلني من المتطهرين. Selon Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas quelqu'un parmi vous qui fait ses ablutions avec le plus grand soin et dit, je témoigne, je dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sans que les 8 portes du paradis ne lui soient ouvertes. La récompense de celui qui fait les ablutions comme il faut. Et Tirmidhi ajouta, Allahumma ja'alni min at-tawwabin. Seigneur Allah, inscris-moi parmi ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. Donc, la version de Muslim, ça c'est clair, elle est authentique. Cette phrase, ce hadith-là, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahirin, c'est vrai qu'il y a une défection dans son isnad, dans sa chaîne des rapporteurs. Mais beaucoup de savants ont dit que ce hadith est authentique et il a des hadiths témoins qui le renforcent, et tels que le hadith de Thawban rapporté par Al-Bazzar et Tabarani, le hadith de Anas rapporté par Ibn Majah. C'est des hadiths qui renforcent et il est souhaitable de dire ce dua à la fin. À la fin, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Et on termine le chapitre qui concerne les ablutions. On l'a terminé. Donc révisez, barakallahu fikum. Et inshallah, la semaine prochaine, si on est vivant, on rentre dans le chapitre la friction sur les chaussures. D'accord? Wa subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. La page 28, le hadith 37, عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, en faisant ses ablutions, prenait soin de faire pénétrer de l'eau entre les poils de sa barbe. C'est pas une bonne traduction, la meilleure c'était de peigner l'eau, de peigner sa barbe avec ses doigts. Peigner. Peigner ou démêler avec sa main, avec ses. Et le hadith numéro 39. Le hadith numéro 39, wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu. Il manque la phrase, mais c'est en arabe. Il manque la phrase أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي. لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البيهقي. Toute cette phrase ne se trouve pas dans le livre. Il faut l'ajouter. Hadith 39 et le hadith 40. Le jour de la résurrection, ma communauté viendra auréolée d'une tache blanche sur le front, tache due aux ablutions. Tache blanche sur le front, les mains et les pieds. Parce que ce n'est pas tache blanche sur le front, c'est juste la traduction du terme ghurr. Muhajjalin, ça veut dire les taches blanches sur les mains et les pieds. Donc il faut ajouter tache blanche sur le front, ajouter les mains et les pieds. Les mains et les pieds, ils ne sont pas mentionnés dans le hadith. Le hadith numéro 41. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. On rapporte de عائشة رضي الله تعالى عنها qui disait le prophète صلى الله عليه وسلم aimait porter ses chaussures en commençant par le pied droit. Et là c'est une fausse traduction. Ils ont traduit tarajulihi par descendre de sa monture par le pied droit. Alors tarajul, ça veut dire peigner ses cheveux. Il peignait ses cheveux de sa main droite et non pas descendre de sa monture par le pied droit. Donc mettre cette phrase entre parenthèses et corrigez-la. Et la meilleure traduction, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait donner la préséance à la droite en se chaussant, en se peignant, en se lavant et dans tout ce qu'il fait. D'accord ? La page 32, le hadith 50. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. Le prophète, hadith numéro 50. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme qui, après avoir fait ses ablutions, avait laissé sur ses pieds une partie non mouillée. Ce n'est pas sur ses pieds, mais sur son pied. Fi qadamihi. Et non pas qadamihi. Fi qadamihi. Il faut respecter, c'est en singulier et non pas en pluriel. Le hadith 52, la page 33. La phrase de l'imam Tirmidhi. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Seigneur, fais que je sois parmi ceux qui se repentissent et ceux qui purifient. Fais que je sois parmi ceux qui se repentent et se purifient. والله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله.